À deux fois. Je marche par À deux ici, chiens, je je bats. marche par là, À je marche comme comme ça. ça. Je suis Fatigué. fatigué, Fa fatigué, et fatigué, je fatigué. à deux fois. Veillez ça. Je bats ce pas d'ici. Je bats ce pas là. Chut, coupe ça. Descends.